Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Claude Chabrol, le maître du polar au cinéma français. Moi, je crois qu'en voyant beaucoup de films, on finit par voir comment on a l'intention de faire les siens. En voyant les gens dont on se sent proche, les styles qui vous séduisent, les horreurs qui vous frappent, tout ça, on finit par se fabriquer son propre style, je pense. Claude Chabrol donnant une classe de maître lors du Forum des images en février 2009, ce n'est certainement pas un hasard et ce qu'on vient d'entendre nous le confirme, si Claude Chabrol est devenu le maître du polar au cinéma français, lui qui aimait tant Hitchcock et Fritz Lang, se passionnera tout au cours de sa carrière pour les intrigues policières. Mais au-delà des nombreux rebondissements propres au polar, c'est le portrait de l'âme humaine avec tous ses travers que va chercher à cerner Claude Chabrol dans son cinéma. C'est un monument du cinéma français, mais ça n'est pas qu'un monument, parce que c'était un homme engagé, c'était d'abord un homme de gauche, parfois radical et à juste titre. Hein. Je me souvenais quand il aimait rappeler l'existence du sous-prolétariat aux intellectuels de gauche qu'il trouvait trop mondain. Je trouve que c'est un véritable jeune homme de 80 ans qui vient de partir avec un demi-siècle de cinéma, une œuvre construite, avec des films très différents les uns des autres, du Beau Serge, le premier en 58, à Bellamy en 2009, mais en passant par des films inouïs comme La Cérémonie, Madame Bovary, Violette Nozière, et moi, mon préféré, Le Boucher, film magnifique avec sa deuxième femme, Stéphane Audran, et Jean-Yann. Voilà, donc, visiter. La chance que nous avons, c'est que si l'homme est parti physiquement, qu'on ne le verra plus, qu'on ne le rencontrera plus, pour nous, les cinéphiles et les amoureux du cinéma en général, et Claude Chabrol en particulier, on a son œuvre, voilà, qui est à notre disposition et on pourra, eh bien, voir son travail autant qu'on le veut. J'encourage chacun à revisiter, à revoir ses films. Christophe Girard, adjoint au maire de Paris en matière de culture, à l'émission Christiane Charette du 13 septembre 2010, au lendemain de la mort de Claude Chabrol. Pour nous parler de l'œuvre de Claude Chabrol, je reçois ma collègue Eddy Mestre pour la section cinéma du site de Radio-Canada.ca, animatrice du balado cinéma d'ici première qui s'appelle Plein écran. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Hélène, quelle place il occupe? Ça nous donne déjà une petite idée de l'importance qu'il a eu, cet extrait qu'on vient d'entendre, mais quelle place il occupe, Claude Chabrol, dans le cinéma français? Mais c'est une place assez paradoxale parce que son nom est connu de tous, il a une œuvre considérable, on parle d'une cinquantaine de films, mais aussi des films pour la télévision, des mises en scène pour le théâtre, donc c'est quelqu'un qui a vraiment occupé l'espace culturel français pendant de nombreuses années, mais paradoxalement, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas connu une reconnaissance cinéphile, on va dire, extrêmement élargie. Par exemple, bon, il n'y a jamais rien eu au César, il n'y a pas eu de César d'honneur. Il a été beaucoup reconnu au Festival de Berlin, mais dans son propre pays, il n'a pas eu les honneurs que d'autres ont pu avoir. C'est pas un des grands qui nous vient tout de suite en tête, même s'il est là tout le temps, pendant 50 ans, qu'il a fait plus de films que plein d'autres réalisateurs. Tout à fait. Mais je pense qu'il a été peut-être un peu moins marquant dans l'histoire du cinéma, mais qu'il a été extrêmement marquant pour la culture populaire française. Ouais. Parce qu'il a représenté la France peut-être comme personne d'autre, et aussi parce que son cinéma était ouvertement populaire. Exactement. Donc, qui cherchait à... Et c'est assumé, voilà. Un côté plus commercial. Tout à fait. D'ailleurs, le fait d'aller justement dans des intrigues policières qui sont le lit d'un genre peut-être plus facile à aimer, plutôt que comme ses collègues de la Nouvelle Vague, d'aller vers des expérimentations, des audaces formelles qui peuvent un peu déconcerter. Peut-être que ça explique ce manque de reconnaissance, mais encore une fois, c'est un manque de reconnaissance cinéphile ou critique ou festivalier, mais pas populaire, parce que Claude Chabrol était vraiment aimé et suivi par le public. Oui. Avant de parler de son cinéma davantage encore, un petit mot, parce que ça vaut le détour sur l'homme. C'est un sacré personnage, Claude Chabrol. Parlez-nous un petit peu de ses origines, mais du bonhomme qu'il va devenir. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il s'est vraiment imposé comme un espèce d'oncle bienveillant dans le cinéma français. Il avait ce côté comme ça, très jovial, très bon enfant, chaleureux. Il était invité très, très souvent dans les émissions parce qu'il avait beaucoup d'humour, beaucoup de personnalité. C'est vrai que par rapport à d'autres cinéastes qui peut-être prennent plus de posture ou ont une façon de s'exprimer peut-être plus alambiquée, plus érudite. Lui paraissait comme quelqu'un de très accessible, de très chaleureux, sympathique. Et c'est un bon vivant. Vivant, tout à fait. D'ailleurs, la légende veut qu'il choisissait ses lieux de tournage en fonction des restaurants qu'on trouvait autour du lieu pour justement que ce soit agréable pour tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui vient au départ de la bourgeoisie, disons assez banale. Il vient d'une famille de pharmaciens. Il va passer la guerre dans la Creuse, chez sa grand-mère. Il va commencer à fréquenter des ciné-clubs. Et je crois qu'il a donné cette impression de quelqu'un qui était peut-être plus dilettante que les autres. Ouais. En tout cas, quelqu'un qui a appris son métier sur le tas. C'est un autodidacte, hein, jamais fait d'école de cinéma. Il a appris, comme on l'entendait dans l'extrait au début, par la fréquentation des films des autres, tout simplement. Il va fréquenter beaucoup de salles et beaucoup de films des autres par les ciné-clubs dont vous nous parliez, parce qu'il va en faire pour un temps, puis ça sera important pour lui, évidemment, parce qu'il fait partie de ces enfants de la nouvelle vague, mais il sera au cahier du cinéma, il va fréquenter comme critique, donc il va gagner sa vie en regardant des films et en les critiquant. Tout à fait. Ben, pas exactement, parce que la collaboration au cahier du cinéma est peu rentable, on va dire. On gagne pas trop bien sa vie en étant au cahier du cinéma, d'accord. Mais lui, par contre, va gagner sa vie en trouvant un emploi auprès de la Fox, qui a un studio, qui a une division parisienne, et il va devenir attaché de presse. Donc, en fait, ce qu'il va faire pour la Fox, c'est rédiger des fiches de films, des fiches qui sont destinées à vendre les films dans les cinémas. Donc, il va apprendre à écrire comme ça, et il va aussi apprendre à développer son regard critique au cahier, en même temps que Jean-Luc Godard, Truffaut, Rivette, Romère. Il est vraiment de cette génération-là. Il va écrire en même temps qu'eux. Et lui, il va se passionner pour le cinéma américain très, très rapidement, notamment pour Hitchcock. Ouais. D'ailleurs, il va publier un essai consacré à Hitchcock à la fin des années 50. En 58, il se lance, il réalise son premier film. On l'écoute nous parler de ses débuts au cinéma et du contexte dans lequel il va tourner ce premier film qui s'appelle Le Beau Serge et qui paraît donc en 1958. Bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? C'est François Bayon. On s'est déjà vu hier, tu pleurais dans ses bras. Pleurais? Oh, sans blague, je pleurais? Hein? Comme une fontaine. J'étais sous. Ça, tu peux le dire. L'argent du beau Serge était... j'ai une grand-mère, ma femme, ma première femme, avait une grand-mère qui était morte, c'est ma femme. Elle a laissé très exactement... une somme importante à l'époque qui équivalait à 35 250 000 anciens francs. Alors c'est une somme importante, mais en même temps on ne peut pas vivre toute une vie en bambochant avec ça. Avec 30 millions, non. Oui, on ne peut pas. Alors j'ai pensé que le mieux, c'était, tant qu'à faire de le dépenser, c'était de faire un film avec, puisque j'avais envie de faire des films et que c'était très difficile de trouver du pognon, comme j'en avais un petit peu là. Alors j'ai fait le film avec cet argent-là. Il a coûté très exactement cette somme. Plus 200 000 balles, car on a vendu une bagnole pour finir. Mais d'habitude, on associe le début de la nouvelle vague à la sortie de tes deux premiers films. Ben oui, parce que par hasard, ce sont ceux qui sont sortis les premiers. Mais je veux dire, Le Beau Serge est sorti environ un mois avant les 400 coups. Et les Beau Serge et les cousins sont sortis à peu près en même temps. Alors c'est pour ça, comme les deux sont sortis à peu près en même temps. Alors comme j'étais le premier, en plus j'ai eu trois pages dans Paris Match. Maintenant, j'ai trois lignes. Claude Chabrol, c'est un conteur formidable. On parlait du personnage au début de l'émission. On l'entend encore une fois, cette bonhomie. On ne s'ennuie pas avec lui. Pas étonnant qu'on l'ait si souvent invité sur les plateaux. Il était là au micro d'Harry Fischbach en 1976. C'est intéressant à cette période-là. Il est vraiment parmi les quelques voix qui vont participer à la création de cette nouvelle vague. Oui, ben il est le premier à faire un long métrage, en fait, de ce qu'on va appeler plus tard la nouvelle vague. Mais c'est lui qui lance le bal d'une certaine façon avec Le Beau Serge. Et encore une fois, l'histoire ne semble pas tout à fait l'avoir retenue, bizarrement, parce qu'on l'associe les débuts de la nouvelle vague aux 400 coups ou à Bout de souffle, qui sortent effectivement quelques années plus tard. Mais le vrai premier, c'est Chabrol qui va le faire en 58. C'est lui qui va découvrir d'ailleurs dans ce film-là deux acteurs emblématiques de la nouvelle vague, Jean-Claude Brialy et Bernadette Lafont. C'est lui qui va les mettre au monde d'une certaine façon. Mais déjà, on est dans quelque chose, dans un cinéma qui n'est pas tout à fait celui de la Nouvelle Vague. D'ailleurs, lui-même va réfuter un peu l'appellation Nouvelle Vague parce que ce n'est pas un récit criminel comme il va en faire sa spécialité plus tard, mais il est déjà dans les thèmes de la trahison, de la culpabilité, avec un récit quand même relativement narratif par rapport à ce que les autres ont pu faire. Et puis aussi avec une réalisation qui, disons, ne se permet pas énormément d'audace formelle ou d'expérimentation stylistique. Lui reste très influencé par la façon dont Hitchcock ou Fritz Lang pouvaient raconter leur plus conventionnel. Leur voilà. Plus axé peut-être, je vous pose la question, mais en vous écoutant par rapport à ces réalisateurs associés à la Nouvelle Vague, plus axé sur l'histoire, le scénario? Oui, je crois, mais et encore... Peut-être pas, parce que Truffaut aussi, c'est quand même un cinéaste de scénario, mais Truffaut était plus sentimental et il avait cette façon de toujours retourner vers l'enfance, vers les amours, alors que Chabrol, lui, va plutôt aller du côté de l'âme humaine, les classes sociales, la façon dont les gens sont prédéterminés d'une certaine façon par leur appartenance sociale. Ouais. Et je crois qu'il était peut-être plus un portraitiste qu'un expérimentateur comme les autres. Ouais. Ben, puisque vous parlez de ce formidable portraitiste qu'il sera, effectivement. On l'écoute. Il nous donne quelques pistes intéressantes pour comprendre pourquoi il sait si bien cerner l'âme humaine. On l'écoute à l'émission Ciné Magazine du 13 novembre 1977. C'est un peu comme un caricaturiste, quoi. Je suis toujours un peu aux aguets de façon de marcher, de façon de parler, de... même selon des... Par exemple, j'ai vu un énorme congrès de notaires une fois dans un hôtel où j'ai été, il y avait un congrès de notaires. Et maintenant, je suis capable de reconnaître un notaire. J'ai tellement fait attention à la façon dont il parlait, qui n'était pas tous la même, moi, il ne parlait pas tous la même, mais enfin, il y avait quand même un point commun. Enfin, et je veux dire qu'un notaire se reconnaît. Un type qui est notaire, ça se reconnaît. Alors j'ai envie de faire un film sur un notaire. Un jour, je suis sûr qu'il sera un notaire qui se reconnaîtra. Ça nous en dit beaucoup sur ce regard qu'il a. C'est le point de départ de son cinéma, savoir reconnaître. Tout à fait. Et dans les choses les plus banales, les plus anodines, les plus quotidiennes, j'ai envie de dire, il a toujours parlé de professions qui n'ont rien de spectaculaire, que ce soit les professions de boucher, de notaire, de garagiste. C'est-à-dire, il a une attention, j'ai envie de dire, au prolétariat que d'autres n'ont pas su avoir. Il a une façon de comprendre ce que d'autres ont appelé la France d'en bas. Cette façon, justement, de ne pas se placer en position de surplomb par rapport à ces sujets, mais au contraire, de les regarder de l'intérieur et de nous faire comprendre comment cette France de province, qui n'est pas dans les hautes sphères intellectuelles ou dans les hautes sphères de la finance, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce que les êtres humains, finalement, interagissent les uns avec les autres. Et s'il s'intéresse à cette France d'en bas, ça lui permet aussi d'être très, très critique. Et la France, beaucoup, la France provinciale, c'est vrai, mais il s'intéresse à la bourgeoisie. Oui. Il est très critique face à cette bourgeoisie provinciale. Et je pense parce qu'il en est issu. Ouais. C'est lui-même un fils de pharmacien. Il s'est souvent décrit comme un bourgeois raté, ce qui est assez drôle parce que sur les conseils de son père, il a commencé par des études en pharmacie, mais finalement, le cinéma lui faisait de l'œil, donc il a préféré abandonner. Mais je pense que c'est une classe sociale qu'il connaissait bien et avec laquelle il a été très critique parce que son cinéma est empli d'ironie aussi. C'est un trait extrêmement fort de son œuvre. C'est quelqu'un qui arrive à être très drôle. L'humour est noir, l'humour fait grincer des dents, mais l'humour est là tout de même. Et c'est l'hypocrisie beaucoup qu'il va dénoncer chez cette bourgeoisie provinciale. Oui, je crois que ce qui l'intéressait beaucoup, c'était les conventions, le conformisme, la façon dont la bourgeoisie pèse sur les gens et les empêche d'être sincères ou d'être honnêtes ou d'être généreux. Comment finalement tout un construit social vient faire plonger les gens du côté du mal. Donc effectivement, oui, c'est une vision très critique, très noire de la bourgeoisie. Ce n'est pas du déterminisme non plus au sens philosophique du terme. Ce n'est pas parce qu'on est bourgeois qu'on est une mauvaise personne, pour caricaturer, mais il a tout de même cette façon de faire se correspondre les deux qui est assez acerbe, mais qui est extrêmement efficace. Bon, l'autre volet, puis on en a parlé, c'est incontournable, c'est ce côté, cet intérêt pour l'intrigue policière. Il est lui-même un grand amateur, il en a consommé beaucoup de ce cinéma-là, et il va donc en faire. Mais, je le disais au tout début de l'émission, c'est pas tant... Bien sûr, c'est payant pour un cinéaste qui raconte une histoire, c'est rebondissant. rebondissements. Oui. Il y a quelque chose dans le policier qui est payant pour raconter une histoire, mais c'est pas ça qui l'intéresse vraiment. Encore là, c'est l'âme humaine, c'est les travaux. Il y a un côté moraliste, au fond, Chabrol. Oui, en effet, il y a un côté moraliste, mais qui ne fait pas la morale. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire c'est le bien, c'est le mal, mais plutôt essayer de comprendre justement ce qui fait partie du bien et du mal chez chaque être humain. À mon sens, le film Que la bête meurt est peut-être celui qui symbolise le mieux cette attitude qu'il a su avoir. C'est-à-dire qu'on est dans une histoire où un homme va chercher à se venger. Son fils est mort, il a été renversé par un chauffard. Le père, en deuil, veut se venger. Et du coup, il se retrouve dans la position qui est celle à la fois de la victime et du bourreau. Mmh. Et pendant tout le film, effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas de rebondissement spectaculaire. On n'est pas dans un thriller ouais. d'action, mais on est dans comment le crime finalement va s'insinuer dans l'âme de cet homme et le pousser à dévier des principes moraux qu'il s'était fixés auparavant. Donc c'est vraiment une façon d'ausculter les noirceurs de l'âme humaine, mm-hmm. ce qui peut venir gangréner les valeurs, les principes, les choses auxquelles les gens croient. Évidemment, on ne peut pas parler de cette carrière de Claude Chabrol sans parler de sa collaboration très, très riche avec Isabelle Huppert. J'étais malade. Puis avec mon père qui voulait toujours, j'ai voulu me suicider. Mais vos parents? Je voulais qu'on se suicide tous les trois. J'ai voulu en finir avec ce passé trouble depuis des années. Alors expliquez-vous. Je peux pas. Vous voyez bien qu'elle est folle. Alors vous avez tué. Et pourquoi avoir volé? Mais l'idée m'en est venue qu'après. Vous aviez d'incessant besoin d'argent. Vous aviez promis à Dabin de rendre pour lui les 450 francs qu'il devait à son ami Willy. J'ai pas donné d'argent pour rembourser cette dette. Parce qu'il n'était pas parti en vacances avec vous? Vous avez pas le droit de dire ça. Asseyez-vous. Je voudrais que vous lui posiez certaines questions. Posez-les vous-même. Maintiens-tu les accusations que tu as portées contre ton père? Oui. Vous voyez qu'elle est un complice. Comment le savez-vous? Mais quand je suis tombée dans la salle à manger, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un pour l'aider à transporter mon corps jusque dans la chambre. Non, je t'ai portée toute seule. Comment peut-on croire cette fille qui n'a pensé qu'à nous tuer et à nous voler? Nous avions 120 000 francs en banque et elle voulait cet argent. Voilà pourquoi elle charge son père de toutes ses horreurs. C'est avec ce film dont on vient d'entendre un extrait, Violette Nozière, qui paraît en 1978, que commence cette très riche collaboration, Hélène Faradji, entre Claude Chabrol mm-hmm. Et Isabelle Huppert. Un mot d'abord sur ce film-là. C'est un film important pour Isabelle Huppert, bien sûr, pour Claude Chabrol aussi. Pourquoi? C'est un film important parce que d'abord, il met au monde Isabelle Huppert. C'est un de ses premiers grands rôles. Elle va gagner le prix d'interprétation à Cannes grâce à lui. Effectivement, c'est le début d'une collaboration extrêmement riche. Mais c'est aussi un film important parce que ce n'est pas si fréquent que dans le cinéma français on s'intéresse à des femmes meurtrières. C'est une façon de réinventer les personnages féminins au cinéma, de s'éloigner de certains clichés qui ont pu être ceux des années 60, mmh. avec des jeunes femmes, oui, certes, libérée, mais qu'on n'avait pas encore imaginé de cette façon-là. Donc là aussi, Chabrol fait preuve d'une audace qui n'a peut-être pas été assez soulignée, qui n'a peut-être pas été assez remarquée, mais c'est un observateur de la condition féminine absolument fou. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, qu'il va faire le fameux Madame Bovary, toujours avec Isabelle Huppert, parce qu'il comprend quelque chose de la nature féminine que peu d'autres ont réussi à comprendre et que peu d'autres aussi ont su regarder sans cette espèce de volonté de transformer les femmes en objets de séduction ou des choses comme ça. Lui, ouais. pas du tout. Au contraire, il a appliqué la même noirceur, j'ai envie de dire, aux hommes comme aux femmes. Bien, alors, c'est sept films, cette collaboration-là. Ouais. Il y aura d'autres grands films, La cérémonie. La cérémonie, mais... avec Sandrine Bonnaire, formidable aussi, ouais, tout à fait. Où là aussi, elle va gagner des prix grâce à lui. Et là encore, on va être dans des combats de classe sociale, puisque ce sont deux jeunes bonnes qui vont assassiner leur patron. Et là encore, cette façon de sculpter la féminité comme un lieu de danger, mais aussi de fragilité, qui est assez passionnant et assez rare. Donc, 7 films avec Isabelle Huppert, bien plus encore avec Stéphane Audran, avec qui il partagera sa vie pendant de très, très nombreuses années. Parlez-nous un peu de cette famille, Chabrol. Il y a Huppert, il y a Stéphane Audran. Qui fait partie de cette famille-là? Il y a eu Ludivine Sagnier aussi vers la fin dans les derniers films. Marie Trintignant aussi, à qui il a donné un rôle magnifique dans Betty. Mais effectivement, je pense que Stéphane Audran reste peut-être la grande héroïne chabrolienne. Plus de 20 films. 23 films ensemble. Elle a commencé au cours des années 60 dans Les Bonnes Femmes avec lui. Après ça, elle a été de presque tous les films. D'ailleurs, dans Violette Nozière, c'est d'une certaine façon un passage de témoin de l'une à l'autre parce que elle, Stéphane Audran, joue la mère et Isabelle Huppert joue la fille. Mmh. Donc il y avait une espèce de transmission comme ça, un peu symbolique, assez jolie. Mais effectivement, c'est une affaire de famille, le cinéma, pour Chabrol, parce que oui, il y a Stéphane Audran, mais il y a aussi ses fils qui ont travaillé sur ses films, que ce soit comme compositeur, co-scénariste, sa fille qui a été script. Je crois qu'il y a un seul des enfants Chabrol qui n'a pas travaillé dans le milieu du cinéma. Mais donc, c'est encore, on revient à cette idée d'un oncle un peu bienveillant, ouais, qui avait sa tribu autour de lui, qui concevait, je crois, le tournage des films comme une expérience très joyeuse, très plaisante, très agréable pour la communauté qu'il arrivait à former autour de lui. Et une façon, puis on y revient, on en a glissé un mot au tout début de l'émission, mais une manière de s'arranger, de s'assurer que ce soit agréable, la vie sur un plateau de Claude Chabrol, c'est qu'il y a un bon restaurant pas très loin, bien sûr, après le tournage, mais même pendant le tournage. Oui. C'est une obsession. Il y en a dans tous les films. Et alors, il avait cette explication que je trouve assez amusante, c'est qu'il disait que quand on a la bouche pleine, on ne peut pas mentir. Et donc, les scènes de repas dans les films de Chabrol sont placées à des moments du film où c'est la vérité qui surgit. Ce sont souvent des moments assez courts, assez joyeux, tout le monde est autour de la table. Et c'est des moments où quelque chose va se dire que les personnages n'arrivent pas à dire ailleurs dans le film, dans d'autres situations. Et donc, oui, il avait cette conception assez forte du repas comme un moment où les choses peuvent enfin être dites, quitte à ce que ce soit douloureux et que ça se passe de façon un peu dramatique pour tout le monde. Mais oui, c'était des moments de vérité. Quel héritage il nous laisse? Est-ce qu'il a des héritiers directs d'abord? En voyez-vous? Je ne pense pas. En tout cas, peu ont su construire une carrière aussi cohérente, j'ai envie de dire. Parce que si certains cinéastes plus jeunes se sont intéressés au genre policier, ils l'ont fait de façon plus sporadique ou alors l'ont fait de façon plus spectaculaire. Ensuite, les cinéastes qui se sont aventurés du côté du cinéma plus populaire, il y en a évidemment, mais peu ont su concilier cette auscultation de l'âme humaine, ce sens de l'ambiguïté morale, cette façon de comprendre l'humain comme une bestiole absolument complexe et profonde et fascinante. Souvent, le cinéma populaire va avoir tendance à réduire les personnages à des clichés. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que non, il n'a pas d'héritier direct, Chabrol, et c'est ce qui le rend encore plus unique, encore plus agréable à fréquenter, même aujourd'hui. Hélène Faradji, critique de cinéma et dîmestre pour la section cinéma du site radiocanada.ca. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.